médias sont des médias de parti pris. Revendiquer la repolitisation de la question médiatique, ou de refaire des médias à une question politique, c'est-à-dire ce qu'elle est. Évidemment, c'est un engagement, et c'est un engagement qui n'est pas simplement culturel. C'est un engagement qui a un sens politique tout à fait précis. Est-ce que t'entends ? On lutte pour une réappropriation démocratique des médias. Objectivité, non. Exactitude, oui. Mais les faits exacts sont toujours solidaires d'une interprétation. Sur Radio Thieu, 89.5. Bonjour à tous et à toutes, bonjour aussi aux autres. Bien entendu, vous entrez dans Plus Fort, J'entends Rien, Mac d'Actu Tout Terrain, en direct le mercredi à midi, en rediff à 19h et le jeudi à 8h du mat. Aujourd'hui, on continue ce marathon Furania et on continue à présenter la scène alternative et underground stéphanoise de 80 à 2023. Et on va parler de présent, une fois n'est pas coutume, dans ce magazine dédié aux heures que nous vivons. En ce moment même, on va commencer quand même un peu en dehors de Saint-Étienne, histoire de se souvenir qu'il y a ailleurs dans le monde aussi des gens qui vivent, qui se battent ou qui souffrent. Et on va parler de musique. Je voulais vous présenter, car je n'ai pas eu le temps de le faire à l'antenne, le disque qui a été le plus en rotation du dernier mois, c'est-à-dire le mois d'octobre 2023. Il s'agit du groupe Peter Kernel, à la base un duo entre la Suisse et le Canada, Peter Kernel, où officie notamment Camilla Sparks, que vous aviez entendu en interview sur cette antenne, et pas mal joué aussi en solo, qui sort au mois de novembre aussi, un album solo bien perché que je vous jouerai tout bientôt. Et là, c'est donc avec son ex qui retrouve Peter Kernel, et maintenant accompagné de deux batteries pour un album qui s'intitule Drum to Death. C'est sorti chez On the Camper en octobre dernier. Voici tout de suite le titre d'introduction qui s'intitule Eo, Eo, Eo. Quelque chose comme ça, quoi, à peu près. Radio Dio. Salut. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. On est donc dans une spéciale Saint-Étienne dans Plus Fort J'entends Rien et une présentation des piliers. Eh oui, des piliers de la scène musicale indépendante et underground DIY local. Ouais, carrément, je n'ai pas peur des mots, vous voyez. En compagnie donc de Jérôme, bonsoir, c'est toi, pour une spéciale shit aujourd'hui, et plus si affinité, et avec Samuel à côté. Salut. Salut Samuel, que vous entendez plus que d'habitude au micro de Dio ces derniers jours. Ouais, normalement, moi, je suis derrière un ordinateur tout le temps. Ouais, et là, du coup, tu parles en ce moment. Comment se passe ce Furania que tu as largement coordonné ? Eh ben, super bien. Il y a des super beaux témoignages pendant cette semaine, comme ça, et globalement... Comme ça. Hein, hein ? Comme ça. Comme ça, ouais. Comme ça. Vous entendez sans beaucoup comme ça. Quand on fait beaucoup de radio resserrée, on entend tous nos tics de langage, c'est super. Ouais. Et notamment, eh ben, on va mettre tout ça en podcast, mais il y a des très beaux témoignages qui arrivent à... La difficulté, je dirais, de l'exercice, c'est de sortir de l'implicite, parce qu'on est facilement entre nous, les gens se retrouvent facilement entre eux, et disent « Ah bah tu te souviens, c'était là » et tout, et il y a des choses, eh ben, des fois avec le temps, on ne sait même plus où c'était, ou je ne sais pas quoi, et je trouve globalement, là, depuis le début de la semaine, les interviews, elles sortent quand même pas mal de l'implicite, et il y a des beaux moments de... témoignage. Éviter les évidences. Les évidences, elles sont précieuses et des fois, elles, c'est tout aussi anecdotique, elles sont chouettes. Mais par contre, c'est à arriver à ce que ce soit parlant quand même encore. Et ouais. Alors, tu m'avais prévenu de pas trop te laisser la parole, du coup, je vais tout de suite te la couper et arriver au cœur du sujet, puisque c'est quand même pas toi que j'ai invité à la base. Jérôme. Oui, c'est moi. Alors, comment tu vas ? Bah, écoute, on fait du mieux qu'on peut. Hein. On se maintient tranquille. Tranquille. On est là. Je t'ai invité la semaine passée pour que tu nous proposes un petit live en direct qui se passera tout à l'heure. Extraordinaire. Alors, tu m'as dit, bon, c'est bon, si ça avait été plus avant, j'aurais fait un nouveau truc, mais là, je vais faire un truc que j'ai déjà fait. Ouais. Une semaine pour un live, c'est trop demandé. Donc je construise un nouveau set. Ouais, c'est un peu compliqué. Ouais. J'ai une vie un peu remplie, tu vois. Tu vas nous en parler après, tout ça, justement. Parce que ta vie remplie, je t'avoue que j'ai essayé de synthétiser ça sur une feuille. Finalement, j'ai mis 5 mots parce qu'en fait, c'est le bazar. On n'y comprend pas grand-chose et on va essayer de dépiauter ta galaxie un petit peu. Ça décomine Tite, Pierre Foresti, Akashi, Taka, GG, Aka, tout ça. Ouais, si tu veux. Ouais, si tu veux. Alors. Parle-moi-en. Eh ben, écoute, je vais commencer par dire, et c'est pour ça que j'ai parlé de piliers, que sur le bandcamp de Shit aka Pierre Foresti, j'ai compté 61 albums depuis 2007. Ouais, ça, c'est tout ce que j'ai pu mettre qui étaient les albums en version numérique. Sinon, j'en ai encore plein derrière en version cassette. En version cassette. Il y en a 120 la dernière fois que j'ai compté. Mais vu que j'ai arrêté de faire des cassettes. Et toi, c'est un truc que tu penses, ça, numériser pour les garder ou les cassettes tamponnes ? Ouais. Trop compliqué. Trop compliqué. Puis j'ai pas de lecteur cassette. Ah ouais, ouais, ça commence mal, effectivement. Enfin, il marche plus. plus j'ai des lives aussi enregistrés sur mini disques. Ça, peut-être, je le ferai. Je les numériserai peut-être un jour. Alors, surprise. Sur ce Bandcamp. Quand on n'y connaît rien, on n'y comprend rien. Il n'y a que des noms complètement énigmatiques. On ne sait même pas vraiment si c'est que du shit ou si c'est d'autres choses. On ne sait même pas vraiment combien tu as de projets en fait, que tu fais en ce moment. En règle générale, dans la musique. Tu fais tout sur shit ou tu as quand même plein de pseudos Sur le Bandcamp, c'est que des trucs de shit. Que des trucs de shit. Ouais. Okay. Parce qu'à côté, il y a celui de serre. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose, on est bien d'accord. Et après, il y a d'autres trucs qu'on ne trouve pas. J'ai jamais trouvé ni rupture, ni vomit sur Internet. Vomit for breakfast, non, il n'y a rien. Des trucs sur YouTube. Et ouais, des trucs. Tu peux voir des jolis clips faits par Yvan Brun, quelques extraits de live, quand on était au Brésil et des choses comme ça. KOZZZ aussi. Et ouais. Pareil, tu peux trouver deux, trois vidéos sur YouTube. Mais non, on n'a jamais fait de Bandcamp. Rupture, on avait un MySpace. Eh oui, ça c'était le bon temps, comme on dit, en Furania. J'y connais rien, mais quand on l'a fait, MySpace a arrêté un an après, donc je pense qu'on y est peut-être pour quelque chose. Ouais, c'est ça. Ça fait plaisir. C'est ça, ça fait Et plaisir. C'est quoi tes projets actuels, du coup ? Actuellement, donc, je fais Shit, je fais Horizon 2020, un petit truc électro, auquel on joue demain je sais plus où, mais bon, ça, ouais, Saint-Etienne, quelque part. Dans une pièce au fond d'un couloir à gauche, je crois. Non, je crois que c'est rue Élie Gervais. Rue Élie Gervais, là où c'est marqué l'auberge. Venez nombreux. Qu'est-ce que je fais d'autre c'est une bonne. Qu'est-ce que je fais d'autre là? Tout à fait, 19 rue Élie Gervais. Ah, c'est ça. Ouais, ouais. Médiocre. Je joue dans Médiocre aussi. Ça, c'est plutôt un petit duo Power Violence Grindcore avec des morceaux courts. Ça nous rappelle Vomit for Breakfast, la grande époque. On est jeunes, quoi. Enfin, voilà. Yes. Et tête de serre, ça continue? Tête de serre, oui, mais c'est toujours dans l'underground, ça. Ça s'arrêtera jamais. Pas spécialement de concert. On fait des prods quand on a envie. On n'est pas. Voilà. T'as un petit projet reggae encore? Petit projet reggae. Jérémy Wallace. Ouais. Bon, ça, c'est pareil, c'est un peu à la volée. 3 albums en 15 ans. On est tranquille aussi, quoi. Et puis 2-3 autres trucs qui se montent à gauche à droite avec des potes qui sont en cours de préparation. Mais voilà. Truc un peu doom, un peu rail, on sait pas trop où ça va aller, on sait pas trop si je vais continuer. Mais on le fait quand même, c'est le plaisir de faire de la musique, on rigole, on tape dans tous les genres, quoi. Enfin, en tout cas, j'aime bien faire de la musique, alors pourquoi pas s'en priver? Pourquoi s'en priver, je veux dire, plutôt. Toi, t'as commencé, j'imagine, dans les rails à punk hardcore il y a quelques années, à jouer en groupe. T'as un instrument de base ou pas? Eh ben, tout à fait, j'avais commencé, on va dire, les premiers concerts officiels, c'était en 96-17. Avec un groupe qui s'appelait Fun for All the Family. Ça, c'était avec Guillaume Tranu, mon collègue. Il y avait Régis, et puis il y avait Maël. On faisait une espèce de, je sais pas trop, hardcore tout un peu niqué, parce qu'à l'époque j'avais pas joué de guitare. Je faisais de la guitare et je chantais, mais je connaissais pas les accords de quinte, donc je faisais que des barrés, ce qui donnait un petit côté un peu noisy à tout ça, avec des morceaux pas trop longs. Ouais, les gens, ça les faisait délirer. Et puis quand on a arrêté, en 98, on a fait notre dernier concert et le premier concert de Vomit for Breakfast en même temps pour la fête de la musique à l'époque de la Coupe du Monde. Et voilà, on s'est bien marré. Et ensuite, on a enquillé direct l'année d'après par une petite tournée en Europe avec Vomit for Breakfast pendant 3 semaines, histoire de faire OK, mais ça, j'adore. Vomit, ça a pas mal tourné? Pas mal, ouais. On a fait pas mal, on a dû faire 17-18 pays en Europe, on a joué pas mal, forcément pas mal en France vu qu'on est français. Je crois que la ville où on a le plus joué, c'était Paris à l'époque du squat du 13, des choses comme ça. Et puis, on est parti au Brésil vite fait. Voilà quoi, avec KOZZZ, c'était la même équipe, avec Jean-Guy en plus et personne en moins vu qu'on n'avait pas de bassiste dans Vomit for Breakfast. Voilà, puis à peu près, pareil, en 96, c'est à peu près la même époque, c'est la même époque, c'est ce que j'ai retrouvé en tout cas comme archive de cassettes, de shit, donc les premières, ça date de 96. Ouais, parce que là, on entend du coup ce qui est en tout cas sur le Bandcamp, le premier album, sorti sur Phoebus Records et qui s'appelle Quicksand Slow Death, et c'est crédité en 2007. Ouais, ça doit être ça. On avait enregistré chez Laurent dans son salon. C'était sympa. Peux nous parler un peu de Phoebus Records? Eh ben absolument pas, parce que je connais pas plus que ça, moi. Ouais. À part que c'était un petit label d'un collègue qui faisait ça, qui a sorti des trucs, je sais pas, il a sorti des trucs de Deschanel, non? Ouais, il a sorti des trucs d'H Trans aussi. Ouais, H Trans. Il a sorti Hop Hop Hop aussi. Voilà. Et la particularité, c'est qu'il enregistrait dans son salon, mais son salon, c'était aussi sa cuisine et c'était aussi sa chambre. C'est qu'il habitait quand même un studio qui se résumait en une pièce, et on enregistrait dans sa pièce. Tout. Du coup, ouais. Quand on arrivait le matin, il pliait son lit comme ça. Il y avait encore les effluves de la nuit, et puis après, on jouait toute la journée dans sa chambre comme ça. Ah, d'ailleurs, pour cet album-là, pour cet enregistrement. Vu que j'habitais pas loin de chez lui, j'avais prévu rien du tout. Je faisais, je sais plus combien il y a de morceaux, 4 morceaux ou 5 morceaux. 4, ouais, je crois. 4 morceaux, donc ça a dû être enregistré sur 4 jours. Chaque jour, j'arrivais avec des nouveaux instruments sans savoir ce que j'allais faire. Que du freestyle, voilà. Shit, après, c'est beaucoup ça ou finalement... Shit, c'est quasiment que de l'impro, ouais. De l'impro. Bah après, quand je fais des lives, je répète une installation que j'ai. Donc ça peut être à la guitare ou avec des machines. Je monte des sets que je répète et après je les joue et puis après je change. Donc la plupart de mes lives sont jamais construits pareil, c'est jamais les mêmes ambiances, mais c'est de la musique d'ambiance. Ça peut aller sur le Bandcamp, il y a autant des trucs de reggae que de trap musique un peu obscure, que des trucs de sludge, doom. que des trucs électroniques. Ouais, c'est ça. Voilà, ça peut être froid, ça peut être doux, c'est psyché, ça peut être bancal, ça peut être un peu tout. Totalement. Rarement festif quand même. Ouais, ça dépend. Ouais. Mais ouais, allez, on va dire rarement si tu veux, ouais. Sur 60 albums. C'est assez surprenant quand on. En fait, je pense pour les gens qui te connaissent à travers Vomit et qui connaissent un peu ton personnage, je pense que t'as un peu l'image de l'ours métalleux, là, comme ça. Et les gens, je pense, sur plein de concerts de shit, à des moments, sont surpris. Et comment, quand on écoute comme ça de la musique de bourrin, on en arrive à faire aussi de la musique aussi aérienne que ces délires un peu ambiantes et tout ça? Eh ben, c'est comment j'ai commencé ça? C'est une bonne question, en gros, c'est à peu près ouais, ça. Déjà, à l'époque, j'écoutais les trucs de noise grind, des choses un peu obscures, et ce qui m'a fait délirer là-dedans, ce qui m'a, ouais, c'était ce côté ambiant, je l'ai trouvé dans Bastard Noise. Les 45 tours que j'avais à l'époque, en 94-95, j'aimais bien la grosse voix, avec l'électronique derrière, les textes étaient intéressants, politisés comme il faut. Et du coup, je me suis dit, mais ça, c'est nickel, il n'y a pas besoin d'en rajouter, pas besoin de faire un truc bourrin, c'est déjà mentalement efficace, quoi. Mentalement violent, tu veux dire? Ouais. Dans un style tranquille, parce que c'est pas de l'arch noise, quoi, c'est une espèce de power électronique ambiante. Donc voilà, et après, je me suis dit, bah, je vais essayer de faire des choses comme ça, mais sans aucune prétention, parce que mes premiers trucs que je faisais, comme je disais, c'était plutôt des trucs arch noise, avec des cassettes de 5 minutes où il y avait 80 morceaux. Avec une basse, une télé, après j'ai fait des programmes sur Amstrad CPC 6128 pour faire des beats, et des voix qui gueulaient, voilà. Et au-delà de toute l'expérimentation du coup qu'il y a dans Shit, où il y a au milieu des trucs qui sont hyper surprenants, moi je trouve qu'il y a une progression assez nette comme ça, où les premiers concerts Shit dans les années 2000, moi que je vois, c'est très arch noise là comme ça, et c'est des sons comme ça qui est rugueux. Et après, t'arrives vers des sons qui sont plus doux et on touche plus. Je dirais qu'au début, c'était plus noise comme ça. Et qu'après, tu touches des trucs plus soit ambiante. Ambiante, ouais. Ouais, soit presque. Moi, j'aurais dit presque post-rock. Ouais, presque post-rock notamment. Bah, par exemple, le Disphébus. Il est pas post-rock, mais il a un côté comme ça avec les guitares là, hyper stone. Et, voilà. J'ai des sets de guitare avec des sets qui durent 40-45 minutes où il n'y a qu'un seul riff. Et c'est une montée progressive de juste deux accords. Enfin, deux riffs différents. Donc, ouais, pas de problème là-dessus. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Bon, voilà. Ouais, tout à fait. Moi, il y a un autre truc que j'ai noté et qui a l'air de ça me nuisait un peu au fur et à mesure, mais alors, dans la première moitié du Bandcamp, dans les titres, ne serait-ce que les titres des Scud, j'ai trouvé Snuff Films, version horreur, épouvante, macabre, maudit, enfer, carnage, gore. Et après, ça se tasse un peu, là. Il y a une grosse passion pour les univers un peu horrifiques, horror movie, non? Ah ouais, j'aime bien les films d'horreur, ouais. J'en parlais hier avec une copine qui cherchait des films dégueulasses qui font peur, donc je lui ai envoyé une petite série. Ouais, j'aime bien ça, j'ai toujours aimé ça. Et les pochettes aussi, il y a quand même tout un univers comme ça, et je trouve ça un peu, c'est un peu changé, non? Je sais pas, peut-être, ouais. Ouais, c'est selon ce que j'ai sous la main, ce que j'ai dans la tête, quoi, mais... Après, c'est pas spécialement l'univers que je recherche, ça je m'en fiche complètement du visuel et des titres. C'est vraiment au pif, hein, parce que la plupart, si tu regardes bien, la plupart des pochettes que je fais, c'est pas des dessins, c'est des photos que j'ai découpées. Et les titres, pareil, c'est des textes que j'ai découpés dans des bouquins. Donc c'est un peu des cadavres esquis à gauche, à droite, quoi. Bon, voilà. Là, pour l'instant, je suis en train de découper des Science et Vie Junior, donc mais on fait avec ce qu'on a. Toi, tu mets du sens quand même, je veux dire, derrière les musiques instrumentales de Shit, tu mets un sens, tu mets des mots, ou pas du tout? Absolument pas, à part musique ambiante, voilà, au sens large. Il n'y a pas de truc que tu as dans la tête qui sous forme de mots, par exemple, quand tu joues? Non, c'est que non. Du son. Ouais, c'est que du son. Puis comme je te dis, les ambiances que je fais entre chaque concert, elles sont pas pareilles, ça change. Des fois, je peux faire un concert avec des guitares, comme je disais, des fois avec de l'électronique. Pour moi, ça reste le même délire, le même cheminement, même si musicalement, ça n'a rien à voir. Mais pour moi, ça reste dans la même veine, quoi. C'est un peu compliqué à expliquer, faut écouter des choses. Ouais. Et tu te dis des fois, je vais faire un truc comme ci ou comme ça, c'est-à-dire avant dans le processus créatif, comme ça, finalement, et sur quoi tu te lances comme ça. Tu te dis, je vais faire un disque de reggae, je vais faire un disque plutôt... Par exemple, ça je me le dis, c'est le seul truc que je me dis, quand je chante quelque chose, je me dis, tiens, je ferais bien un truc un peu noisy, donc je pars avec des sons noisy. Voilà, je me dis, tiens, je ferais bien un truc un peu sludge, un peu doom. Donc voilà, je fais des boîtes à rythme lentes, de la basse, des guitares distordues. Ouais, ça je me le dis avant. Plus une envie de style, mais pas une envie d'instrument. Tu dis pas, tiens, j'ai envie de rejouer de la gratte ou je vais faire que machine. Non, parce que ça c'est déjà pour moi une contrainte, quoi. Si je me dis, tiens, faudrait que je prenne ma guitare, faudrait que je fasse quelque chose avec la guitare. Si je le sens pas, je vais pas le faire. Non. Donc c'est vraiment quelque chose que je sens, et je peux faire des albums en 15 jours parce que je le sens vraiment, et puis au bout de 10 morceaux, je sens que j'ai fait le tour pour moi, donc là j'arrête. Voilà, je passe au mixage, au montage et tout, et puis c'est fini, après je passe à autre chose. Et alors ce qui est fascinant dans ta discographie, c'est que les pochettes, c'est toi qui les fais. L'enregistrement, du coup, c'est toi qui enregistres. Ouais. Et au final, on est vraiment dans le DIY, c'est-à-dire que t'auto-produis, Ouais, je fabrique pas même ma guitare, mais je fabrique mes machines, quoi. Et alors, pourquoi tu fais des albums ? Pour le plaisir, comme ça. Et alors, mon autre question, c'est quand on a fait autant de disques comme ça, c'est quoi les retours que t'en as un petit peu ? Sur mes albums ? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, j'imagine, il y a des trucs, tu les as fait en peut-être 30 exemplaires, il y a d'autres trucs qui ont plus tourné. Et Sur les trucs qui sont sortis, tu parles plus. Parce que c'est ce qui est assez surprenant, c'est qu'on retrouve plein de trucs dans le Bandcamp, mais après, à des moments, moi j'ai eu accès à certains CD comme ça, ou des fois tu l'as gravé en CD parce que du coup il y avait un concert, des fois t'en as fait quelques cassettes parce qu'il y avait un concert et tout. Il y a des choses qui sont jamais sur le Bandcamp, par exemple le split avec Tamagawa, Bitong et Holdin, ça c'est sorti en vinyle, c'est le morceau est pas du tout sur le Bandcamp. J'ai fait d'autres cassettes aussi sur d'autres labels, notamment un split avec Cabine Volcan, ou des cassettes sorties sur Opprobre, un label de Clermont, qui est maintenant le Guillaume, il est à Brest. Pareil, ça je ne l'ai pas mis sur le Bandcamp. Il y a plein d'autres cassettes, comme tu dis, que j'avais sorties à l'époque, qui ne sont pas sur le Bandcamp, mais bon, c'est des cassettes, quoi. Mais parce qu'il y a un truc justement dans ta manière de composer, je trouve, qui va bien avec le côté cassette dupliquée, CDR, et même finalement qui va hyper bien maintenant avec le côté numérique internet où tu peux poser comme ça sans avoir à te prendre la tête sur trouver des thunes pour faire un objet, etc. Un truc un peu spont, un peu direct, quoi. C'est pour ça que j'ai fait un Bandcamp pendant le confinement, parce que des CD, comme il disait Samuel, là, j'en faisais quelques fois à l'arrache quand je partais en tournée ou faire des concerts, j'en faisais une pile de 10-20 du dernier truc que j'avais enregistré, et voilà, bon bah ça partait, mais je me disais bon, c'est un peu relou d'acheter des tours de CD, en plus pareil, moi j'ai pas de PayPal ou de je sais pas quoi, c'est toujours la galère pour que j'en chope, bref. Donc je me suis dit allez, je vais faire un Bandcamp, comme ça les gens ils seront contents. Voilà, il y a 1500 un truc comme ça, 1500 écoutes depuis 3 ans que j'ai fait ça. Donc voilà, les gens écoutent ça, puis tant mieux. Bah, parce qu'en plus, alors j'ai même pas vraiment compté, mais rien que sur 2023, il y a au moins 4 ou 5 queutrues là du Bandcamp. Ça va tellement vite que, en fait, un album, une fois qu'il est fini, t'en as rien à foutre. Tu vas pas le défendre, quoi, en fait. Tu fais un queutru, puis après tu passes à la suite. Ouais, totalement. Par contre, je les réécoute chez moi. Ok. Ça, je les écoute chez moi. Enfin, la plupart de la musique que j'écoute chez moi, c'est de la musique que je fais, quoi. Et pas spécialement shit, hein. Je peux écouter les trucs de Tête de Serre ou de M666 aussi, un autre truc que je fais tout seul. Enfin, ou des trucs n'importe quoi. J'écoute aussi d'autres choses, hein. Y a pas de souci. Hein, mais ouais, ça me dérange pas d'écouter des trucs de shit. Et des fois, je suis surpris. Je me dis, ouais, y a des machins. Ouah, celui-là, je sais même plus ce que j'ai fait. Je le mets. Je me dis, oh, mais c'est moi qui ai fait ça. Ah, quand même. C'est pas pire, quoi. Et puis voilà, quoi. Et entre composer tout seul et composer avec des gens, ça change quoi pour toi ? Comme je disais, composer tout seul, c'est vraiment quand je sens, quand j'ai le feeling de faire quelque chose, en me disant tiens, je vais faire un truc un peu harsh noise, je peux le faire directement chez moi. Voilà, sans avoir à me prendre la tête, et puis il n'y a pas de composition. quand je dis pas de composition, c'est vite fait, hein, parce que quand je dis, comme je disais, quand je fais des morceaux à la guitare qui font 40 minutes, il y a des riffs, donc les choses, les morceaux sont composés. Même ce que je vais proposer tout à l'heure, il y a un minimum de composition derrière, mais il n'y a pas de choses carrées. Il n'y a pas de répétition, tu veux dire. Il n'y a pas de répète, quoi. Si, il y en a, mais c'est plus dans une ambiance jazz, où en gros, il y a les structures, et puis on fait ce qu'on veut, mais on fait ce qu'on veut, c'est juste moi. Donc voilà, je fais ce que je veux avec une structure. Il n'y a pas de partition définie comme dans les groupes, comme dans Vomit for Breakfast, où il y a un début, il y a des breaks, des fins. Ou même quand je jouais dans Mille Vierges, je faisais du synthé dans Mille Vierges, un groupe de Doom, bah c'est pareil. On faisait des morceaux de un quart d'heure, 20 minutes. Il y avait des morceaux, enfin il y avait des parties différentes avec des breaks, des trucs qui reviennent. Voilà, il faut les suivre. Dans Médiocre aussi, là c'est des morceaux plutôt de 30 secondes, donc ça va vite. Il faut suivre, il y a des structures, paf paf paf. Donc là, ouais, on répète. Ça c'est avec des gens. Et tout seul, je suis free, quoi. Mais t'as pas jamais fait de projet ambiante impro avec d'autres? Horizon 2020 par exemple, c'est quand même. Est-ce que c'est ambiante? On sait pas trop ce que c'est. C'est pas ambiante, mais il y a de l'impro. Thorax. Thorax, c'était plus musique industrielle, ouais. Ouais. Industrielle, mais ça c'est pareil, c'était de l'impro. Hein. C'était même 100% impro, parce que là je faisais ça avec un pote qui panait rien du tout. Et qui était incapable de reproduire deux fois la même chose. Voilà, ni à la musique, ni aux instruments dans lesquels il avait. Donc c'était complètement free de chez free, quoi. Mais on avait une volonté de faire quelque chose d'indus, répétitif, lourd. Et voilà, un peu comme ça, à jeter, comme ça, vif, quoi, à vif. Bon, sinon, d'autres trucs, je sais, comme ça, je sais pas, hein, qu'est-ce que j'ai fait de... J'avais fait une cassette, shit, coopération avec plein de gens différents. Ça, c'était pas mal. C'était un peu dans l'esprit où je savais pas trop ce que j'allais faire. Donc, j'allais chez les gens et je leur disais, restez dans votre univers musical, moi, je viens. Je connais ce que vous faites, moi je viens avec un instrument, on sait pas lequel, et on fait un morceau ensemble ou deux. Mais et t'étais venu avec un 4 pistes et t'enregistrais, c'est que c'était à la fois une démarche de musicien, mais aussi un peu de producteur, parce que du coup, t'enregistrais le morceau, l'impro, comme ça, et après t'en as fait une cassette. Voilà, à l'époque c'était l'époque du 4 pistes cassette, donc c'est pour ça que j'ai plein de cassettes aussi, parce que je faisais 4 pistes, puis maintenant j'ai un ordinateur. Depuis que je suis allé au conservatoire de musique pour faire électroacoustique, tu vois. Électroacoustique, ouais. Il fallait s'y mettre, hein, je sais plus quand, en 2009, 2010, donc voilà. Et avec le passif ambiante made in punk, aller au conservatoire d'électroacoustique, ça t'a fait un clash, un choc, ou en fait c'était pile dans la ligne où toi t'étais déjà? Ni l'un ni l'autre. Moi je suis allé là-bas en me disant, tiens, eux ils font de la musique électrique, électronique. J'en fais aussi, donc il y a sûrement moyen d'apprendre des choses là-bas. Donc je suis arrivé dans l'univers de la musique électroacoustique. Donc comme je disais, j'avais pas d'ordi, les mecs bossent tous sur ordi. Donc il fallait choper un ordi, mais moi ça m'a pas dérangé du tout. Puis l'intervenant qui était là, avec lui il y avait aucun souci, il a très bien compris d'où je venais. Donc on a été potes très rapidement et on a fait des trucs ensemble qui étaient un peu plus bourrins, on va dire. Parce que... Le mec, il est sympa, mais c'est un sacré bourrin aussi. Donc voilà, on a rigolé quand même. On a fait deux, trois concerts ensemble. C'était pas pire. Ouais. Et j'avais envie aussi de te faire parler de ce qu'il y a sur la table et que les auditeurs ne voient pas. Et ben ouais, c'est-à-dire tout un paquet de pédales DIY customisées assez jolies que tu mets ensemble. Ouais. Ouais, parce que moi je trouve que c'est ce qui est un peu compliqué comme ça dans ces délires de musique ambiante qui, pour plein de gens et encore plus pour les non-musiciens et musiciennes, c'est que c'est de la musique qui est hyper abstraite. C'est-à-dire que dans le rock comme ça, quand on entend certains sons, on sait que c'est une guitare, on sait que c'est une batterie. Là, il y a plein de trucs où on sait pas trop ce que c'est. Et en plus, toi, tu traficouilles des sons et j'ai envie de dire, la matière sonore que tu utilises, c'est quoi finalement? Du coup, t'as dit la guitare. Tu utilises quoi comme instrument et comme... Alors ouais, j'utilise de la guitare, de la boîte à rythme, de la basse, différents synthétiseurs, et puis aussi des machines que je fabrique. Alors les machines que je fabrique, il y en a quelques-unes là, mais on les voit pas parce qu'on a la radio. Il y a des oscillateurs, des filtres, des machines qui font du bruit, des générateurs d'enveloppe, des VCA pour ceux qui connaissent. Et voilà, en gros, c'est ça. Et là, il y a un sampler en plus, et puis il y a un petit CD où tout le set est enregistré dessus, parce que bon, à ce prix-là, je vais pas me faire chier non plus. Non, je déconne. Sur le CD, j'ai enregistré des voix, vous entendrez tout à l'heure, parce que je peux pas chanter et tourner des boutons en même temps. Mais voilà, du coup, j'ai commencé à fabriquer des pédales depuis 2006. J'étais en tournée avec Tamagawa, Bitong et Holdin encore, là, et en passant en Allemagne. Et c'était à Berlin, dans mon souvenir, il y avait des mecs qui bidouillaient des synthés modulaires et qui m'avaient filé un plan pour faire un oscillateur avec un 4106, toi qui connais un peu. Un truc de base, quoi. Ouais, vous faites gaffe, hein, ouais, entre vous, là. Et les 4106 et tout, là. Ouais, ouais, on fait ça, fissa. Yeah. Donc, du coup, voilà, tu tournes un bouton, ça fait oui, oui, et je me suis dit, oh, c'est cool. Puis bon, une fois qu'on l'a fait oui, oui, pendant quelques temps, on se dit, tiens, peut-être moyen d'avoir d'autres choses. Puis on essaie de construire des trucs qui modulent ce oui, oui, oui, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis voilà, on a plein de machines. Et on les branche ensemble, et voilà. En gros, c'est une espèce de synthétiseur modulaire fait maison, quoi. Pour ceux qui voient ce que c'est, le synthétiseur modulaire. Et alors, pour décrire un petit peu, la table est quand même assez surprenante. Du coup, il y a tes petites boîtes en bois que tu as fabriquées, qui sont bien décorées, avec des boutons, qui sont apparemment peut-être soit des filtres, soit des oscillateurs. Tu as aussi une pédale... Pédale Boss. Manufacturée catholique, ouais. Comme ça. Ouais. Une pédale Boss, c'est une pédale de quoi ? C'est un harmoniseur. Un harmoniseur, c'est-à-dire c'est quelque chose qui rajoute des notes en c'est plus, ça. Comme ça, sur voilà. la même note. Ça va me rajouter un petit truc. T'as une sorte de vieille machine poussiéreuse, là, comme ça, qui, je dirais, date des années 90-2000. 92, ouais. Je crois. Sampler Zoom, c'était 224. Et ça, tu l'utilises pour quoi ? Du coup, tu as des sons dedans ? J'ai enregistré des samples de machines, d'autres machines, mais dedans, c'est des samples de machines que j'ai fabriquées. Donc ça, ça envoie des sons aussi. Voilà. J'imagine que ça passe dans tous ces trucs. Ça passe. Et après, il y a des boîtes, il y a les autres, c'est soit des oscillateurs, soit des filtres. C'est ça, des machines qui font du bruit. Ok, finalement, comme du coup, source de son, il y a les oscillateurs, ce sampler et le CD, si je comprends. On a trois oscillateurs, deux machines qui font du bruit, le sampler et le CD avec les voix. Et ben on va lentement se diriger vers le live. Hein. Okay. D'ailleurs, je voulais te parler quand même du live, justement. La différence entre shit dans ta piole et shit en concert. Je sais pas. Tu sais pas ? Bah, t'as vu, là, le son, il sortait moins fort que chez moi. Ouais, ah, ça c'est la différence, le volume, quoi. C'est tout. Non, moi il y a un truc que je trouve dans shit. Je sais pas si tu seras d'accord avec moi, hein. Mais moi je trouve qu'il y a de l'humour. Non, tu racontes n'importe quoi. Je trouve qu'il y a de l'humour. Il y a de l'humour. Ouais. Ah bah ça fait plaisir, cool. Ah bah moi j'ai une anecdote sur un concert de shit au Grand Luxe. On fait jouer shit dans une fabuleuse conspiration des mystères et synthés d'or. Ils nous préparent un set précieux. Ah, avec les synthés, tout ça. Où c'était que des arpèges de synthé. Ouais. Et au milieu, d'un point de vue théâtral, c'était fabuleux. Il fait une pause, il fume une cigarette comme ça, et là il touche à aucun bouton, mais la musique elle continue. Il retouche à un bouton, et là il sort de l'endroit avec les machines comme ça, et doucement comme ça, il se déplace, il va chercher une bière, il revient, et il retouche un bouton. Et on a l'impression que ça fait partie du concert. D'un autre côté, sur certains concerts, on pourrait crier à l'arnaque et dire « Putain, c'est quoi ces musiciens ? Là, ils se barrent en plein milieu du truc. » Mais là, du coup, ça posait aussi le concert et voilà. C'est ça, il y a un côté théâtral, moi, je trouve, quand même. Oh, peut-être. Tu l'assumes ou pas ? Ouais, fait exprès ou... Ah bah, il faut se faire plaisir, quoi. Je suis pas un robot, je suis pas une machine, je suis un être humain. Donc quand les choses, elles tournent... Ça m'est arrivé, pareil, comme dit Samuel, de faire des concerts, notamment à la guitare. Quand je faisais des longs morceaux, là, je fais des boucles. Donc, il y a des boucles qui tournent. Ouais, des fois, je pose ma guitare, je vais chercher une bière, je me mets devant mes pédales et je regarde comme ça ce qui se passe. Comme si je faisais partie du public. Puis, il y a juste ma guitare avec un son qui tourne. À la fois passif et actif dans voilà, le live. Ouais. Voilà, bah, il faut entendre aussi ce qui se passe de l'autre côté de la scène, quoi, histoire de dire ah, le son est pas assez fort, on va monter plus. Ouais. Donc là, tu nous as préparé un petit live machine. On va écouter ça tout de suite, laisser le temps d'installer. J'ai sélectionné un petit morceau d'Intermen de shit qui est Pierre Foresti. Tu nous parleras de Pierre Foresti un peu après. Moi, si tu veux. Ouais. C'est un extrait donc de Stress Bulldozer qui est sorti juillet dernier. Ouais, ouais, il est bien. Ouais, il est sympa, j'aime bien aussi. Ouais. J'ai choisi Rendez-vous ailleurs et puis après on se retrouve en live. Un peu une pensée pour une pensée, un hommage, influencé par comment ils s'appellent les autres, Harvey Milk pour ceux qui connaissent le groupe. Harvey Milk, voilà. Le groupe. Voilà. Rendez-vous ailleurs sur le 895 de Dio. Trêve de blabla, voici Sade Komenin Tit aka Shit pour un live en direct sur le 895 de Radio Audio. Là, tu parles là ? Non, vas-y, arrête. Thank you. Jérôme vient de nous offrir un live en direct sur le 895 de Duo de Shit Aka Sakteko Menintit Aka Pierre Foresti Aka, tout ce qu'on veut. On est nickel. On est nickel. Je vous rappelle quand même la petite actu live promo à la fin, puisqu'il y a une tournée de Horizon 2020, un de tes projets à Electro RVB en compagnie de Chaton Volant Sound System, qui jouera à Saint-Thé, à Lyon à Grande Zéro et au Lantière à Dijon. À Saint-Thé, ce sera le jeudi 16 novembre à partir de 20h30 en compagnie de Chien Mon Ami, dans un lieu à découvrir. On n'est pas sorti de l'auberge, 19 rue Élise Gervais. Merci à toi, grand. C'est ça, merci à vous. Yes, merci d'être venu. Allez, bonne continuation, les amis. Allez, on vous laisse avec la suite des programmes sur le 895. Prenez soin de vous et de vos autres. Ciao. Radio Dio. Radio Dio. Salut. 89.5 FM.